الله الرحمن الرحيم طيب سؤال هل النور من أسماء الله جل وعلا est-ce que le nom An-Nur est un nom confirmé parmi les noms d'Allah Azzawajal, les plus beaux noms d'Allah Azzawajal? Non, Ahsan. Ala sahih. C'est mieux que tu dises, tu dis, اختلف العلماء فبعضهم أثبتوا وبعضهم نفوا أن يكون النور من أسماء الله الحسنى. نعم. Donc certains savants, ils ont affirmé que le nom d'Allah, le nom An-Nur, est bel et bien un des noms d'Allah Azza wa Jalla. Et d'autres, ils ont réfuté le fait qu'il soit un des noms d'Allah. Taïb, ceux qui l'ont affirmé sont basés sur quelle preuve? Allahu nur as-samawati wal-ard. Tamam? Wa laysa hunaka hadith aw aya bi dhikri ism an-nur yani ala al-itlaq. Et on n'a pas trouvé un hadith authentique ni un verset où il y a l'évocation du mot an-nur. Un nour d'une manière mutlaq, libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas reliée ou limitée à une chose. Par exemple, là dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu nour samawati wal ard. Nour samawati wal ard. Si on affirmerait le nom, on dirait que parmi les noms d'Allah, nour samawati wal ard. Lakin al-ulama al-muhaqqiqoun, كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء كلهم على أن هذا ليس اسما لله. Ce n'est pas un des noms, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Pourquoi? Parce que dans le verset, il a été évoqué mudafan. Il a été évoqué mudafan. Tamam. Et on a vu que les noms d'Allah, et ça c'est un tahqiq nafis. Ça va vous permettre de différencier. Et aussi même, cette faïda, c'est comme on l'a dit, c'est une masala khilafiyya. Même si vous allez trouver des savants comme Cheikh Yahya, qui l'a affirmé, Cheikh Yahya, il a affirmé Ism al-Nur, dans Mabad al-Mufida, à la fin, il évoque les noms, certains noms d'Allah Azza wa Jal, il dit An-Nur. Et quand il évoque le dalil, il dit Allahu Nur samawati wa Non. Lakin, lorsque tu regardes bien profondément, tu vois que yani, le meilleur avis, en tout cas c'est celui que je suis, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Uthaymeen, qui disent que les noms qu'on appelle Husna, les meilleurs noms d'Allah, ce sont ceux qui indiquent la perfection d'une manière libre, sans qu'ils soient rattachés à autre chose. Dhul Jalali wal Ikram. من اسماء الله ذو الجلال والإكرام. نعم. Pareil. Les savants ils ont divergé et on reste sur cette base là, non? Comme quoi les noms parfaits d'Allah sont les noms qui ont été évoqués sans aucune limitation et sans être, parce que ذو ça veut dire quoi en arabe? Le détenteur. Dhur Rahma, maintenant. Tu vas le trouver dans le Coran. Dhur Rahma. Dhur Rahma. Le détenteur de la miséricorde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu peux prendre de cela un nom. Et dire que ce Dhur Rahma, maintenant, c'est un nom d'Allah Azzawajal. Selon l'avis le plus juste. Tamam, vous avez compris cette faïda? Tamam. Al-An, est-ce que le nom Malik, ça fait partie des noms d'Allah? Celui qui dit oui, il répond avec son dalil. Malik. Ha? Mohamed s'est lancé. Il a dit Naam. C'est le dalil. Attention. On a dit Malik. C'est le farc bien le Malik. Ana le Malik. Malik. Bidoun al-alif. Tamam. Malik. Malik al-Nas. Malik al-Nas. طيب طيب جاء بالدليل alors c'est un nom parmi les noms d'Allah si tu marches selon notre règle à nous la règle qu'on a vue c'est pas notre règle à nous c'est la règle que Cheikh Al-Uthaymeen il évoque dans Qawaid al-Musla et d'autres c'est un nom d'Allah hein n'aam n'aam mal ma'a Hamza طيب مالك الناس الاسم لا il est مضاف il est lié à quelque chose il est pas libre comme les autres ça veut dire même dans مالك الناس tu vas trouver que le fait de confirmer le nom مالك pour ceux qui marchent sur cette règle là comme Cheikh Al-Uthaymeen lui voit que مالك c'est pas des noms d'Allah عز وجل مفهوم. En fait, avec ça, ça va te permettre de comprendre pourquoi il y en a qui l'affirment, pourquoi il y en a qui le réfutent. Voilà, Malik, ni c'est venu dans un hadith, Malik. Hein? Dans la sourate Al-Fatiha, Malik, Yawm al-Din. Tamam? Naam. Ala kulli hal, c'était une faïda jamila. طيب c'est qui peut nous évoquer en vite fait toutes les qawaid qu'on a pris là jusque là on a pris combien 1 2 3 4 5 il y a personne il y a pas de sœur en bas non tamam طيب c'est qui peut nous répéter ça en rapide sardet hein la première il faut les affaires qu'il faut les confirmer les comptes du sens apparent voilà. Que les textes du Coran et de la Sunna relatifs aux noms et attributs, il faut les prendre dans leur sens apparent. On a vu aujourd'hui dans le Tars du Asar, on a pratiqué cette qaïda dans un hadith. Qui c'est qui se rappelle ? Par rapport à quand il a écrit dans son livre qui est. Naam. Lorsqu'on a posé la question, est-ce qu'il y a une créature au-dessus du trône, la réponse est le hadith de Abi Huraira où le prophète sallam il dit lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitabin wa huwa fawqahu 'inda al-'arsh wa huwa 'indahu fawq al-'arsh inna rahmati taghallaba ghadabi. Donc ce kitab là, si on reste sur le sens apparent du hadith, il est bel et bien au-dessus du 'arsh. Tamam. Naam. Donc ça c'est la première qaïda comme quoi on se doit de laisser les textes du Coran de la Sunna relatifs au asma et au sifat, au nom et attributs dans leur sens apparent. Sauf s'il y a un dalil à autre qui le contredit et qui l'interprète d'une autre manière que son sens apparent. La deuxième qaïda qui est propre au nom, c'est que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. Husna. Lorsqu'on dit ils sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le sommet de la perfection. Quand tu dis ça, en fait, quand tu dis ils ont atteint le sommet de la perfection, ça veut dire que là, pourquoi les savants ils disent que le nom il peut pas être relié à quoi que ce soit? Parce qu'il a atteint le sommet de la perfection. Si tu viens, tu dis Nour al-Samawati wal-Arab. Là tu l'as limité du fait que c'est la lumière des cieux et de la terre. Taïb yom al qiyamah kif wa ba'd al qiyamah fil jannah kif yani ma yani laysa ma'na an Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah lakin ba'd al marhalat al qiyamah après l'étape du jugement dernier. Il est toujours, yani, normalement, ce wasf et ce nom-là, il lui est valable. Même après ces étapes-là. Tamam? Mais lorsque tu l'as comme ça, nour as-samawati wal ard, fiché. C'est par rapport à cette phrase-là que les savants voient que tous les noms qui sont mudaf, et en vérité, ils ne rentrent pas dans les noms d'Allah les plus parfaits. Asma'ullah al-Husna. Même si c'est des noms d'Allah Azzawajal. Mais ce ne sont pas ceux-là qu'on appelle les Asma'ullah al-Husna. Mafoum? Taïb. Et comme on a dit, c'est une masala khilafiyya. Beaucoup de savants, même, si, même les savants de chez qui on a étudié, comme Shirihya, il a affirmé Mada al-Nur. Mais il n'a pas affirmé al-Muntaqim. Ni Dhul Jalali wa l'Ikram. Wa Badi' al-Samawat, kadalik. Au Cheikh Abou Amr, lui, il les a affirmés. Tamam. Alors, kulli hal, hada huwa. Tayeb, on a terminé avec ça. La deuxième qaïda, on l'a vu. C'est là la deuxième. La troisième plutôt. Non, c'est la deuxième branche de la deuxième règle. Ouais. Les noms, ils ne sont pas limités à 99. Naam, les noms, ils ne sont pas limités à 99. Tayeb. لكم الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. سيخت الله بوسيد الحديث متفق عليه. سيخت الله بوسيد 99 نو 100-1 celui qui les retient. Alors il a certes il rentrera certes au paradis. Comment on interprète ce hadith? On prend juste que c'est celui qui a mémorisé 99 noms parmi tous ces noms, en fait. Naam. Que c'est celui qui a mémorisé 99 noms parmi la totalité des noms d'Allah Azza wa Jal. Il retient juste 99 noms et il œuvre avec ce que ces noms recèlent comme sens, alors celui-là il rentrera au paradis. Donc on voit le bienfait d'apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, d'apprendre quels sont les noms confirmés à Allah Azza wa Jal. Taïb. Mais si quelqu'un vient et te dit ouais mais ça t'as dit ça de ta tête, c'est quoi ton dalil? C'est le hadith, hein. Qui était juste au-dessus. Qui disait que le chef dans le hadith, c'était qu'il disait par ceux Ahsan. Que tu t'es. Qui font partie de l'invisible en fait. De voilà, Ahsan. Le hadith d'Abdallah ibn Mas'ud, où il évoque que le prophète sallam a enseigné à ses compagnons une dua à dire lorsqu'ils sont dans la tristesse, sont touchés par la tristesse ou les soucis. Ma qala abdun. قد إن أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. سميت به نفسك, que tu t'es toi-même nommé, par lesquels tu t'es toi-même nommé. Ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à quelqu'un, à quiconque parmi ta création, ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. C'est le shahid, c'est ce qui nous intéresse du hadith, c'est cette partie là que tu as gardé, les noms que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Ça montre qu'il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre et n'a pas révélé à quiconque, même à Jibril. Non. Taïb. Ou le hadith, ce hadith là اختلف اهل العلم في صحته. Certains ils ont dit qu'il est sahih, certains ils ont dit qu'il est hasan, certains ils ont dit qu'il est daif. Wallahu a'lam. الذي عليه الشيخ ابن حزام والشيخ يحيى أنه حسن الحديث لا حسن. تمام. Et même s'il n'était pas hassan, même s'il était daïf ce hadith là, et que tu n'avais pas le hadith, le hadith où il évoquait les 99 noms, il n'indique pas clairement que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a que 99 noms. Mais au contraire, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui dit j'ai 100 riyals pour faire une sadaqa, j'ai 100 euros pour faire une aumône. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a que 100 euros? Non. Mais le but visé, c'est qu'il a 100 euros pour faire une sadaqa, mais ça veut dire qu'il ça sous-entend pas qu'il n'a pas d'autres euros pour faire autre chose. Et là, il y a une unanimité parmi les gens de ceux de la sunna qu'il y a plus de. Non, c'est l'ijma. Ijma. Ça, c'est Ahsan, c'est Uthman. Retenez, hein, ça, c'est un ijma. C'est l'unanimité des savants sur le fait que les noms d'Allah, ils ne sont pas limités à 99. L'unanimité des savants. Il n'y a que l'imam Ibn Hazm, qui a contredit cela et qui a pris le zahir du hadith. Et l'imam Ibn Hazm, c'est lui l'imam du madhab al-zahiri. Le madhab, c'est la voie, la manière de penser qui vise à prendre les textes dans leur sens apparent. Il n'y a pas d'interprétation. Tout ce qu'il a comme texte apparent, il le pratique d'une manière apparente. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. والله في العقيدة إلى دي مخالفات إلى دي مخالفات لكن سرست أن إمام سرست أن إمام كيا بوكو إتيتيل هسات كوميناتي parmi les histoires de cet imam et les épreuves qu'il a eues le gouverneur à son époque. Et lui, Ibn Hazm, il est de quelle origine? Ibn Hazm. Andalus. Eh, Naam. Lui, il était, c'est-à-dire de la région de l'Espagne. C'est Espagne, Portugal et le Maroc. Tout ça, ça c'est ce qu'on appelle l'Andalus. Tamam. Quand elle était, yani, de l'âge de gloire de l'Espagne. C'est-à-dire quand elle était aux mains de l'islam, des gens de l'islam. Le gouverneur de son époque, il lui a interdit de prêcher. Il lui a interdit de donner des cours. Et il lui a ramené l'armée chez lui pour brûler toute sa maktaba. Donc ils ont brûlé tous ses livres. Et lui, lorsqu'ils ont brûlé tous ses livres, il a récité une poésie sur le coup, une poésie qu'il a inventée de sa tête, pour dire que vous pouvez brûler tout ce que vous voyez là, sachez que tout ce que vous voyez là, c'est mémorisé dans ma tête. C'est dans ma tête. Matama Olid, je le réécris. Quand je veux, je le réécris. Naam. Donc lui, parmi les grandes qualités qu'il avait, c'était qu'il avait une force de mémorisation étonnant. L'imam Ibn Hazm, c'est un imam. بعض العلماء قالوا جهمي جلد. جهمي جلد. نعم. والله المستعان. على كل حال, dans cette مسألة, il n'est pas sur un savab. Le fait de dire que les noms d'Allah se limitent à 99 noms, ça c'est une khata et c'est contraire à l'ijma. C'est contraire à l'unanimité des savants. Donc ça c'était la troisième règle. La quatrième, Asma'ullah tawqifiyya. Comme quoi le nom d'Allah tawqifiyya. Tawqifiyya ma ma'na? C'est par rapport aux êtres. Par rapport à quoi? Tous les noms d'Allah, tous les noms d'Allah sont par rapport à l'être là. Là, tawqifiyya, ça vient du mot waqf, s'arrêter. Ça veut dire les noms d'Allah, Mala, Hamza. Naam. Ils s'arrêtent tous au kitab et à la sunna. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils s'arrêtent tous, c'est-à-dire pour les affirmer, il faut absolument un ayah ou un hadith. Le kitab, il y a un ayah du kitab ou un hadith de la sunna sahiha. Et on ne peut pas affirmer un nom de notre tête. Tu viens par exemple, tu vois le hadith de Abi Huraira, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier cieux chaque nuit. Et tu viens, tu dis, ah ben comme Allah il descend, alors huwa nazil. On va l'appeler celui qui descend. Ça ne marche pas comme ça. Asma'ullah tawqifiyya. Naam. Et ça fait partie du comportement à avoir avec Allah Azza wa Jal. Naam. والقاعدة يعني الخامسة إلى سنكم قاعدة كسيكي سمابل اللي مهمة جدا que chaque nom d'Allah عز وجل il comprend soit deux choses soit trois choses. La première c'est que le nom il indique l'être d'Allah عز وجل, hein, il indique Allah عز وجل. Deuxièmement, il indique l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Al-an, indakum al-Rahma, ou al-Aziz. Al-Aziz, et Abdel Ismail. Al-Aziz, c'est quoi le sifa qu'il indique? Hein, Al-Izza. Al-Azim. C'est quoi le sifa qu'il indique? Al-Azama, Ahsant. Naam. Taïb. Ça, c'est pour les noms qu'on a dit. C'est les noms qui n'ont pas d'effet sur la création. Il y a des noms comme ça, Al-Aziz, Al-Azim, Al-Qawi. Ils n'ont pas vraiment d'effet sur la création. Tamam. Et il y en a d'autres qui ont un effet sur la création. Comme. Hein? Hein? Al-Razzaq. Ahsan, ça veut dire on croit que Al-Razzaq il indique Allah Azza wa Jal. Kadhalik, que il indique l'attribut d'Allah qui est Al-Rizq, yani que Yarzuq, tamam, que c'est un attribut d'Allah, comme quoi il octroie la subsistance. Et aussi, on croit là au fait que Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre le rizq sur ses serviteurs. Et il accorde son rizq à qui il veut parmi sa création. Tamam. نعم. فهذا ça c'était des قواعد qui sont propres au nom. Là on va rentrer dans une قاعدة qui est propre au صفات. قال القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. Donc là on va voir des قواعد qui sont propres au صفات d'Allah. الفرع الأول صفات الله كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص من الوجوه. نعم ليس فيها نقص من الوجوه. Donc les attributs d'Allah ils sont tous élevés. Et ils ont tous atteint la perfection. Et il n'y a pas en eux le moindre défaut. Kal haya wal ilm wal qudra wal sam' wal basar wal hikma wal rahma wal ulu wa ghayri dhalika. وغير ذلك لقوله تعالى ولله المثل الأعلى et ceci en vue de la parole d'Allah. Yani il a pris comme exemple l'exemple du sifat de la tribu de la vie lorsque tu l'attribues à Allah, c'est une vie parfaite qui n'est jamais qui n'a jamais été devancé du néant et qui ne sera jamais rattrapé par une fin. Tamam ? Kalalik, qui n'a jamais une vie, qui n'a jamais dans laquelle il n'y a jamais de somnolence, il n'y a jamais de fatigue, il n'y a jamais de sommeil. Non, ça c'est une vie parfaite. Kalalik al-ilm. Ilmullah, la science d'Allah, c'est tellement vaste, ya ikhwa. Celui qui veut commencer juste à penser à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un qata' nafasu. Qabla an yudrik al-amr. Il n'arrivera pas à atteindre et à concevoir la science d'Allah azza wa jalla. Ala sabil al-mithal, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu vas penser demain, à telle heure. Na'am. بل الله سبحانه وتعالى بعلمه العظيمة. Il sait combien, مثلا dans ce, sur ce tapis, combien il y a de petites bêtes, بالتفصيل. Combien, leur nombre, بالتفصيل, juste sur ce tapis-là. Des petites bêtes microscopiques, non pas mal. ما نراها نحن. Alors que celui qui prend l'avion, مثلا, lorsqu'il s'élève dans les airs, il voit les gens, les constructions tout petits. لكن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات يعرف كل شيء كل شيء وكما تقدم معنا le fait de lorsque le prophète sallam dit celui qui mémorise les noms d'Allah azza wa jalla il entrera au paradis. On a vu que c'est pas seulement les mémoriser mais c'est d'œuvrer avec leur sens. Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est alim basir khabir, il sait tout ce que tu fais. Khabir, il sait le fond de ton cœur. Est-ce que cette action, tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal? Ou est-ce que tu as de la rancœur dans ton cœur? Est-ce que tu as du nifaq, de l'hypocrisie? Kul li shay, Allah subhanahu wa ta'ala, yattali' alayh. Laysa hunak shay'un la ya'lam. Na'am. Donc tout ça, celui qui œuvre avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, il s'améliore jour après jour. Wa la ya'as min rahmatillah. Et il ne désespère pas, non seulement il ne se sent pas à l'abri de la ruse d'Allah Azza wa Jal, mais en plus il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Quand il lui vient une épreuve, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est hakim, hakimun adl. Hakimun adl. Wa al-hikmah wad'u shay fi mawdi'iha. La sagesse, c'est le fait de placer la chose à son endroit. Allah subhanahu wa ta'ala idha abtalak fi shay fa'rif anna hadha li hikmatin baligha. Hein? Si Allah t'a éprouvé d'une chose, sache que ceci, c'est une grande hikmah. C'est par une grande hikmah, une grande sagesse. إِذَا تَفَضَّلَ عَلَىٰ أَحَدٍ فَبِإِحْسَانٍ مِنْهِ وَإِذَا عَذَّبَ أَحَدًا فَبِعَدْلِهِ فَالنَّاسِ كُلُّهُمْ يعني بين فضله وعدله. Donc les gens, il se trouve en vérité entre le bienfait d'Allah Azza wa Jal et entre sa justice. S'il châtie quelqu'un, c'est avec justice. Et s'il fait du bien à une personne, c'est par un bienfait de sa part. Naam. L'imam wa dhakaru an al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri, il a dit: j'ai cessé de m'inquiéter au sujet de mon risque lorsque j'ai eu connaissance d'Allah Azza wa Jal, lorsque j'ai appris à connaître Allah Azza wa Jal. فمثل هذه الدروس جدير بأن يحضر. Ce genre de drous, en vérité, ça nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, ça fait monter la foi, ça nous rajoute de la science et de la connaissance envers Allah Azza wa Jal. وهذا من أعظم ما يستفيده الشخص في حياته أن يعرف من خلقه. Et ça fait partie des choses les plus importantes et les meilleures des choses que la personne elle peut profiter dans sa vie, que il connaisse celui qui l'a créé et pourquoi il l'a créé. نعم طيب ونكتفي بهذا القدر في هذا الكتاب وان شاء الله غدا نواصل.